We'll be right back.

Dans les voies de grosses futiles, scandale. En odeur de sainteté, l'avenir est un animal. Tu perds le passé, à force d'inhaler. L'envie à profusion, ça finit par sécher. La condition des poumons, respire, soupire, ordure. L'amour est au point. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika le vendredi soir à partir de 19h. Depuis le début de l'émission, on a écouté pas mal de musique. On a commencé l'émission avec un artiste que nous connaissions bien sur Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Monsieur Joël Dubreuil, donc qui était venu de nombreuses fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau que nous avons écouté s'appelle Joe. Juste après, c'était le groupe Oniris, le groupe Oniris que nous allons recevoir dans quelques temps dans nos studios pour présenter justement leur travail. Le morceau que nous avons écouté, c'est un morceau qui est en français, pourtant le titre est bien en anglais. Il s'agit de Night. Night, un morceau qui nous parle de la nuit. Voilà. Juste après, c'était les Full System avec un superbe morceau qui s'appelle City Trip. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau. C'est un morceau tout nouveau, hein, tout neuf. Il vient de sortir. J'ai reçu cette semaine, justement, ils me l'ont envoyé. C'est un groupe qu'on a reçu il y a assez longtemps, hein, quand même. Ça fait quelques années. Il s'agit du groupe Coda. Et Coda, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Cheval de Troie. Trois bâtons, quoi. De Troie. Voilà, c'est le jeu de mots. Et le morceau qu'on a écouté, qu'on a découvert ce soir, s'appelle Un Monde Nouveau. À propos de monde, on va continuer avec un morceau qui s'appelle Le Monde à bout. Et c'est aussi une nouveauté sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Eureka. Il s'agit de Phoenix 7777. Bon, voilà, vous allez pouvoir découvrir ce morceau. Et juste après, encore un autre groupe que nous allons recevoir très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait un petit moment qu'on diffuse leur morceau. Et là, c'est une nouveauté, hein, ce soir aussi. C'est leur dernier morceau que vous pouvez retrouver d'ailleurs le clip sur YouTube, hein, vous tapez Trans Chacal Express et vous aurez donc le dernier morceau qui s'appelle I Want To Be Your Phone. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h, plein de bonne musique d'artistes, des artistes que vous écoutez peut-être pas dans les autres radios pour l'instant en tout cas. Et en tout cas ici dans Radio Arc-en-Ciel, on a vraiment la chance de rencontrer beaucoup d'artistes et de les recevoir aussi pour faire des émissions spéciales. Et ce que je conseille toujours à chaque fois aussi, c'est d'aller au concert les voir, puisque c'est des artistes qui sont de la région, pour la plupart de la région orléanaise ou de la région centre, ou même des fois un peu plus loin. Donc voilà, on est ensemble pour découvrir plein de morceaux si vous ne les connaissez pas encore. Et puis 3 heures de musique, on a commencé un peu plus tard, mais c'est pas bien grave, on dépassera un petit peu peut-être aussi, il n'y a pas de souci. En tout cas, détendez-vous, hein, restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et aussi sur www.radio-arc-en-ciel.com ou .fr, ce que vous voulez, mais ça passera tout. En tout cas, c'est nous sur Orléans. Voilà, vous tapez Radio Arc-en-Ciel Orléans, à la limite, ça sera beaucoup plus simple. Hein. Je me bouscule, envie de rien. Une fois

rester épique. Il me dit, la croissance est une baguette magique. Écarquiller mes yeux qui chavirent à l'oblique. Costard de réussite, je ne m'assume plus et je vire aux critiques. Ma vie marche sur un champ de ruines. Tout ça est pour l'amour du film. Je crois que je suis la victime d'une erreur de casting. Matraque à la main. Les bolcheviques, j'aime pas la violence de nature pacifique. Le major me hurle, c'est d'être plus énergique. En uniforme clanique, je frappe fort pour que la loi s'applique. Ma vie marche sur un champ de ruines. Qu'elle me donne la réplique. Voilà qu'elle arrive en dentelle acrylique. Elle me dit, prends-moi, moi qui pensais jouer des plombiers tragiques. Ma vie marche sur un champ de ruines. Tout ça est pour l'amour du spin. Je crois que je suis la panique.

Merci de passer de la soirée avec nous sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika de 19h à 22h tous les vendredis soirs. Donc depuis le début de l'émission, on a écouté pas mal de bonne musique et actuellement on écoute un des meilleurs groupes de la région orléanaise, on va le dire comme ça aussi. Hein. Il s'agit du groupe les Chili Dogs avec Piece of Plastic. Juste avant c'était les Noitol avec Pound of the Power et encore avant c'était Orphan Black avec Silent. On va continuer avec un monsieur qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc il revient quand il veut, avec beaucoup de plaisir, en tout cas il fait partie de la Mavrika Family. Il s'agit de Bruno Bauer et on va écouter un morceau qui s'appelle Under the Searchlight et juste après la découverte de la semaine dernière, Kill the Princess avec Dreamer Tonight. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On a d'abord écouté Kill the Princess avec Dream Night, et juste à l'instant c'est Bruno Bauer avec Under the Searchline. On va continuer avec un morceau en français et puis d'actualité aussi. Il s'agit du groupe Barricade avec un titre qui s'appelle Gaza, et on va continuer avec Arrigoni et Marigoni bien entendu, avec un titre qu'ils avaient interprété ensemble. Ce sont des frères et sœurs, et ça s'appelle Rupture. Voilà, on est ensemble jusqu'à 22h sur Radio Arc-en-Ciel. Une cour dans un quartier en ruine, des gravats, des blocs de pierre, une maison finie de brûler, la fumée cache un peu la misère. Qui pleure silencieusement. Des traces rouges sur des murs blancs. Des hommes qui hurlent leur colère. Le sang se mêle à la poussière. Battent des bombes. À chaque instant, la terre tremble. Pas d'issue, pas d'échappatoire. Tous les ghettos se ressemblent. Certains pays ont tout. Puisque l'amour doit nous blesser, puisqu'à l'horizon l'orage menace. Les larmes ne seront pas versées, le sang ne pourra pas couler, afin que rien n'apparaisse en surface. Puisque tout change, puisque tout lasse, tous ces cris qui tout s'efface. Puisque tout change, puisque tout passe, on me doit se dénouer, sans la page se tourner. Regardons la vérité en face. J'ai l'impression d'étouffer, alors en moi ma liberté. Je veux respirer et m'entourer d'espace. J'ai besoin de personne pour me dicter comment faire ou comment pisser, ou même pire, comment penser à ma place. Fil des jours et des années, dès lors où tout nos piquets tannés prouvent alors que jeunesse se passe. Alors tout change, alors tout lasse, tout se crie, tout se passe. Alors tout change, alors tout passe. On se délit, on se lasse. Et je vois ma vie défiler, prisonnier dans ses filets. Et je survis et plus je me sasse. Nos âmes seules écorchées et nos cœurs en fleurs asséchées. Toutes ces années vont laisser des traces. Alors je vais noyer mes pensées, songer aux choses insensées. Je suis pas certain, j'ai les yeux bien en face. Je finis les seuls et les brosés, et plus rien ne pourra changer. Quoi qu'il le dise ou quoi que je fasse. Baseline. two basses. You're singing a blank shit. And all these songs that just belong with what we used to be. And I don't know what to say, except I'm sorry. Cause I'm so tired, and my eyes get so jaded. But I can see the memories, but just don't speak your lies. Won't you say goodbye? Doesn't mean I don't try to catch some sleep. J'espère vous passer une bonne soirée en ma compagnie le vendredi soir à partir de 19h jusqu'à 22h. On est pratiquement à la moitié, on a passé la moitié de l'émission. On a écouté pas mal de bonne musique hein, et on va continuer comme ça jusqu'à 22h. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va même peut-être dépasser un petit peu. ça dépend de vous. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous on a écouté après Harry, Bonnie et Marie, hein, donc les deux frères et sœurs qui nous parlaient d'une histoire de femme battue, ça s'appelle Rupture. On a écouté un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils font de la musique très électronique, hein, le groupe Roraima avec le morceau Monolith. Juste après, c'était Sika avec Enjoy. Et le son qu'on écoute encore en fond, il s'agit de Lia avec un titre qui s'appelle So Tired, une artiste de la région parisienne qu'on aura peut-être en interview dans l'émission Maverick, hein, ça c'est possible. En tout cas, juste après, ça sera Drive to Amnesia, retour dans la région Orléans avec un morceau qui s'appelle Better Life, et on continuera avec Clitosaurus, Disco Mobile, Murder. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, restez avec nous, hein, on est ensemble encore pour un bon petit moment. An emergency parliamentary session this afternoon. The violence on the streets has forced many people from their homes. La Méditerranée, la route migratoire la plus mortelle du monde. C'est le constat de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. We'll be right back. time. The guy is nice to me. I get bored. And I'm the bitch. What's the problem? It seems like all this impossible romantic love my dad keeps telling me about is some of it. Ça s'appelle Clitosaurus et le titre c'est Disco Mobile Murder. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et vous savez, dans l'émission Africa, on a l'habitude de recevoir des artistes et des fois c'est pas toujours évident parce que là on a relancé, on a fait un nouveau studio et on va enfin avoir des artistes dès la semaine prochaine. Hein, voilà, ça c'est le temps de se mettre en route. Il a fallu aussi voir avec l'emploi du temps des différents artistes pour qu'ils puissent venir un vendredi soir, hein, puisque de toute façon l'émission est en direct. Donc il y a aucun souci. La semaine prochaine il y aura Chris et les donc vous connaissez le groupe Barricade, on a écouté tout à l'heure un morceau qui s'appelle Gaza et justement Chris et Léo font partie du groupe Barricade, c'est la formation finalement réduite du groupe Barricade puisque c'est le chanteur guitariste et le guitariste du groupe Barricade, donc ils seront avec nous parce qu'ils ont un projet donc un petit peu plus réduit qui leur permet d'aller jouer dans des bars, des choses comme ça, et puis ça tourne pas mal, hein. C'est vrai que j'ai vu pas mal de concerts et donc ils viendront nous parler de ce projet qui s'appelle Chris et Léo. On va aussi recevoir le groupe Oniris, voilà, mais le groupe Oniris pour l'instant il n'a pas encore on n'a pas encore la date, on avait une date mais finalement il a fallu la décaler, donc ils vont revenir, il n'y a pas de souci. Le 19 janvier ça sera le tour du groupe Prisma ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Le 26 ça sera The Uncle Bikers, tout à l'heure on a écouté Jack F, et ben Jacques Février c'est le chanteur aussi des Uncle Bikers, donc on aura l'occasion de le recevoir ici et de parler donc de leur projet Uncle Bikers, mais sachant aussi qu'il y a un nouvel album qui est sorti, donc nous on est encore un petit peu sur l'ancien et puis dès qu'on a les nouveaux morceaux on vous les envoie, il n'y a pas de souci. Et on va recevoir aussi le 2 février le groupe Trans Chacal Express. Alors il y en a plusieurs aussi qui sont en attente, hein, plusieurs dates qui sont pas encore réservées, et si vous aussi vous voulez passer dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission spéciale, vous pouvez me contacter sur mavrica@live.fr ou alors sur le Facebook de l'émission Mavrica. Après, on va écouter Angeline Anonier avec un morceau qui s'appelle Shanghai. On continue le voyage, hein, puisqu'on a déjà été tout à l'heure du côté de l'Amérique du Sud. On a été à plusieurs endroits grâce aux différents artistes de la région orléanaise qui sont passés dans l'émission. Et cette fois-ci avec Angeline, donc Angeline qui est déjà venue à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui reviendra bien entendu un jour ou l'autre dès qu'on aura calé une date à nouveau, hein, parce que j'aime bien que les gens ils reviennent. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est Shanghai. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. Marketplace, the crowd

Après le petit voyage à Shanghai avec Angéline Annonier, on a écouté le groupe Custom avec Only Revolution, le groupe Custom qui a participé au dernier Maurica Live numéro 12. C'était il y a quelques mois, c'était au mois de juin, voilà, à l'espace Bérère, la chapelle Saint-Émain. Donc il y avait le groupe Custom. Et là, à l'instant, c'est le slow de l'été. Hein, on l'a écouté pendant tout l'été. Et puis on l'écoute aussi en automne. Hein, et on peut l'écouter même en hiver, il n'y a pas de problème. Il s'agit de Prisma avec No More Tears. Juste après, on va écouter un groupe qui est de la région de Troyes, voilà, qui s'appelle Nostronautes. Le titre, c'est Still Cloud. Et juste après, ce sera les Mockingbird avec Don't Believe. No. Yeah. Everything is right. just meet me some other silly pretty girl. I'm singing it to John. Formidable, le groupe Mockingbird, ça me rappelle voilà les émissions qu'on a fait avec eux. Voilà un très bon souvenir donc avec un morceau qui s'appelle Don't Believe. Juste après, on va recevoir aussi un groupe qu'on a reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont venus une seule fois, ce sont des jeunes, voilà, des jeunes qui font de la bonne musique, sauf un, je dirais pas lequel. Il s'agit de deux gigs avec Real Good Time. Et juste après, ce sera les Broken Arms avec l'Horizon. game. I wanna play with you. I wanna have a good time. I wanna dance with you. It's not so easy for us to find. I wanna cross the line. Don't wanna be unhappy. Just wanna be alive. And it's not so easy for us to fight. Ooh, yeah, we had a real good time. Don't wanna cry at night. I wanna see the lights. Don't wanna see it gray. I wanna see it bright. It's not so easy for the night. Ooh, yeah, we have a real good time. venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur travail. C'est le groupe Broken Arm, mais malheureusement le groupe n'existe plus aujourd'hui, mais les différents membres font partie d'autres formations, donc on les recevra ici avec beaucoup de plaisir en tout cas. Et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle L'Horizon. Juste après on va écouter un autre groupe qui chante en français, il s'appelle Dérapade, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Showbiz. Voilà, vous êtes avec moi jusqu'à 22h, encore quelques minutes, hein. C'est vrai que le temps passe très très très vite, on a encore une petite demi-heure, et puis on a encore plein de choses à découvrir, on n'aura pas le temps encore une fois de passer tous les morceaux que j'avais prévus, mais c'est pas grave, le rendez-vous est toujours à la même heure, tous les vendredis soirs, à partir de 19h, 3 heures de bonne musique d'artistes locaux, voilà, c'est comme ça, il faut vraiment les encourager, il faut aller au concert, et on va continuer donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le groupe Dérapade, et le morceau s'appelle Showbiz.

tant que les grenouilles seront, je resterai petit garçon. Petit garçon. Petit garçon. Ils savent bien choisir les bouteilles et j'en suis fier.

bol, tout ça, ça gâte. Elle fait kiss. La banquise. Elle fait kiss. On marre en amarre, le héron mourit bon sang, savon sans goudron. La morue m'a fichu, éternue, c'est foutu. La rivière en galère d'urticaire, dégénère. Bon amour. Le groupe Dorenlo sur Radio Arc-en-Ciel, ils sont venus cette année nous présenter leur nouveau projet, donc, et le morceau qu'on écoute s'appelle Cheese. Juste avant, c'était le groupe Frisson avec Une journée buissonnière, et on va continuer avec un groupe qu'on aime beaucoup, hein, qui s'appelle Red Daff, avec un titre qui s'appelle Parano, et on terminera cette émission avec La Jarry et une très belle chanson qui s'appelle Évolution. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, et on en a plus que pour quelques minutes, donc profitez-en au maximum. tient peur. Là, si je suis démoniaque, je balance et je plage. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me calmer, c'est toi, dans mes bons jours. Parano, parano, t'es toujours insomniaque. Parano, parano, t'es toujours dans la rage. Parano, parano, sur la route de la rage. Parano, parano, Jarry avec Évolution. Voilà, c'est pas avec ce titre là qu'on va terminer l'émission. On va dépasser un tout petit peu. Pourquoi? Parce que je vous en ai calé juste un derrière. C'est aussi un très bon groupe, hein. La Jarry, vous savez que c'est un des meilleurs groupes de la région orléanaise, mais dans leur style, de toute façon, ce sont les meilleurs, hein. Y a pas de problème. Et juste après, encore un très bon groupe, un groupe qui existe depuis longtemps aussi, même encore plus longtemps que la Jarry, hein. C'est le groupe Comintern Sect. Et le titre que nous allons écouter pour terminer cette émission, c'est Que restera-t-il de toi? Voilà, moi ce que je vais dire, c'est que je vais vous dire les phrases magiques, donc que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et puis everything is gonna be alright. Voilà, cette émission Mavrica numéro 570 se termine, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera des invités qui seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et il y aura bien entendu Chris et Léo, puisque c'est le duo Chris et Léo, donc deux guitaristes et un chanteur. Donc ils seront ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Vous les connaissez déjà, ils sont déjà venus. Ils sont venus avec le groupe Barricade déjà à plusieurs reprises. Ils ont participé aussi à un Mavrica Live. Et cette fois-ci, ils viennent avec leur duo, hein, puisque ce sont deux membres du groupe Barricade qui ont formé un nouveau projet. Et on en parlera la semaine prochaine. On découvrira tout leur univers. Il n'y a pas de souci. Voilà, cette émission se termine. C'était la 570e. La semaine prochaine, si vous avez bien suivi, ce sera la 571e, donc à partir de 19h la semaine prochaine, donc on se retrouve ici, hein, même endroit, même heure, et on passera un très bon moment avec Chris et Léo. Voilà, cette émission est terminée, et on écoute tout de suite le groupe Comintern Sect avec Que restera-t-il de toi. un copain. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. De Rio é uma linha divisória natural na frente de batalha no sul do país. É ali que prosseguem nesta altura os combates, com baixas de um lado e do outro nas últimas 24 horas.